pour nous tous, hein? Pour nous autres? Donc nous, puis ceux qui vont croire, éventuellement, ok, écrit pour tout le monde dans le fond, ouais, mais avec des fonctions particulières pour dépendamment du groupe avec lequel on est. Quand on va lire dans Jean 12, là, on va regarder des groupes de personnes encore. On est toujours en train de regarder dans les Écritures des groupes de personnes. Il y a Jésus, il y a les personnes autour de Jésus, puis les personnes autour de Jésus réagissent de différentes façons. Mais Romains 10, allez-y pas, je vais vous le lire, ok, Romains 10, 9 à 15. Puis gardez en tête la question, pour qui est écrite la parole de Dieu? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tous les mots sont pesants. Hein? C'est pas intellectuel l'exercice, c'est vraiment du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Et c'est intéressant, dans le texte, on va regarder, c'est pour ça que je me rends jusqu'à 21. Okay? Le texte, là, il va nous parler des Grecs aussi. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Et c'est qui ça, les « ceux » C'est certaines personnes particulières? Et ça allait bien ta phrase. Nous tous qui sommes quoi? Saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés de Dieu. OK? C'est nous tous. OK? Pourquoi que c'est nous tous? Parce qu'on va voir dans le texte ici là que c'est ça qu'eux autres ils font, ceux qui ont cru. Est-ce que ça va tout le monde? Fait que c'est pas réservé à quelques-uns, mais à tous les saints et bien-aimés de Dieu. Puis le mandat qu'on a, celui-là d'annoncer l'Évangile, c'est de partager, parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, puis de qu'est-ce qu'on a cru. C'est ça qu'on doit faire. Ça va tout le monde? Je suis, et chacun de vous qui êtes né de nouveau ici, vous êtes un témoin oculaire de la puissance résurrectrice de Christ. Oui ou non? OK. Il est où ce témoignage-là? Vous avez vu, vous, des ressuscités? Nous sommes, nous, des ressuscités. On était mort, et nous, maintenant, on est vivant. On le voit pas, là, à cause de notre chair, mais on est vivant éternellement. Est-ce que on le sait? Est-ce que ça nous réjouit? Ben, j'espère. Ben, si oui, comment on fait pour garder ça? Est-ce que vous me suivez? OK, Jean 12. Amen. Nous sommes, nous, témoins oculaires de la puissance résurrectrice de Christ, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Romains 8, 9. OK? Alors, on va lire 12, Jean 12, 9 à 21. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Fait que juste l'existence de Lazare faisait que du monde croyait en Jésus. Juste son existence. Le fait qu'il est ressuscité. Ils l'ont même pas vu, là, mais entendu l'histoire. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ont entendu l'histoire. Ben, c'est nous, ça, Lazare, là, c'est chacun de nous en passant. Hein? Excusez-moi, là. Est-ce que ça paraît que vous êtes ressuscité? Je pose la question. Non, mais c'est ça la question. Hein? Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, Lazare, et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Continuez un petit peu plus loin. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » C'est plus juste les Juifs, là, qui veulent voir Jésus. Les Grecs aussi. Est-ce que ça va? Fait que je veux juste faire quelques points. Je veux parler des prophéties qui sont attachées à ce passage-là, juste pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Puis je veux parler un petit peu aussi du niveau de détail des différents épîtres, des différents évangiles, je veux dire. Parce que c'est intéressant que les différents évangiles ne racontent pas nécessairement l'histoire de la même manière. Puis est-ce qu'ils se contredisent ou ben non, ils ont un focus différent. Mais je veux parler dans les autres évangiles, je veux juste pointer que quand on lit une histoire, ça vaut la peine non seulement de regarder la Louis II ou la Parole de vie ou la Français courant ou le lire en anglais, King James ou puis version américaine, mais aussi... Allons donc voir l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit du sujet. Allons donc voir ce que les autres évangiles disent ou disent pas du sujet, parce qu'à quelque part, on peut apprendre quelque chose dépendamment de qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Fait que, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges ici. Je sais pas si vous me suivez. Fait que comment on arrive à être unis dans l'esprit? Comment on arrive à avoir la même compréhension des Écritures si on passe pas du temps ensemble à parler de la parole de Dieu ensemble? Est-ce que ça va tout le monde? Okay, fait que le premier texte, c'est que je voudrais mettre l'emphase dessus, c'est à partir du verset 12, 12, 13, 14, 15. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus, le roi d'Israël. » Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, excusez-moi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Merci. C'est bien, je porte trois erreurs le matin, hein? Ça va bien mon affaire. Jamais 203. Bon. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Mais c'était pas une erreur de dire Jésus, mais c'était pas écrit. Je suis d'accord. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Psaume 118, vous voulez aller voir ça? Psaume 118, on va lire de 15 à 28. C'est tellement intéressant. C'est parce qu'on veut juste faire le pont avec les prophéties de l'Ancien Testament. Parce que, pourquoi c'est important de faire le pont avec les prophéties de l'Ancien Testament? Parce qu'on a lu, « Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. » C'est pour ça que c'est important d'aller voir. Mais quelle prophétie? Qui a dit ça? Psaume 118, versets 15 à 28. Intéressant. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à Jésus? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié. On pourrait aller lire Ésaïe 53. « Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Et c'est ça que les gens sont en train de dire. Ouais. Amen. Hosanna. Dans Luc 19, la même histoire. Au verset, Luc 19, verset 38, quand il raconte la même histoire, il dit pas « béni soit celui ». Il dit « béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». C'est la même chose. Mais c'est pas celui, c'est le roi, dans Luc. Mais c'est intéressant, parce qu'il faut aller lire dans Zacharie, parce que c'est la même histoire qu'il nous a racontée là ici. Mais Jean, lui, met le focus sur les témoins, OK? Luc va mettre le focus sur autre chose. Matthieu va mettre le focus sur autre chose. Marc va mettre le focus sur autre chose. Et quand on lit les quatre évangiles, on a une meilleure compréhension de l'histoire que si j'en lis juste un. Est-ce que ça va tout le monde? Fait que dans Luc 19, 38, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 14. Zacharie 9, 9 à 14. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça va tout le monde? Je vais mettre le focus sur le roi. Et dans Luc, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Dans Matthieu, 21:5. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voici ton roi. Et c'est intéressant parce qu'au verset 9 du même texte, 21:9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, de la lignée de David, le roi tant attendu, Jésus, de la lignée de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mais dans Matthieu, il est précisé qu'il est de la lignée de David. « Hosanna dans les lieux très hauts. » Il est venu chez les siens. Amen. Dans Jean 1. Dans Marc, au chapitre 11, au verset 9 et 10. Parce que ça a une importance, que ce qu'on est en train de lire là, parce que les Juifs, ils ont une réaction. Les pharisiens ont une réaction à l'événement. C'est difficile à la saisir, cette réaction-là, quand on fait juste lire le texte de Jean. Parce que ça ne donne pas l'intensité de ce qui est dit par la foule. Parce que, si vous me suivez tout le monde? Qu'est-ce qu'il dit dans Marc 11, 9 et 10? Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Extraordinaire, hein? Même affaire. Béni soit le règne qui vient. Royauté. Le règne de David. Hosanna dans les lieux très hauts. Imaginez-vous, vous êtes les pharisiens. C'est qui, eux, qui vénèrent les pharisiens? Moïse. La loi. Ici, le peuple, il parle de d'autres choses. Mais, il cite les paroles des prophètes. Est-ce que ça va? Fait que, quand t'es là, puis que tu vois quelque chose, on peut l'expliquer de bien des manières. Mais quand on est capable de voir dans les Écritures qu'est-ce qui se passe devant mes yeux, c'est l'accomplissement des promesses qui ont été faites il y a très, très, très longtemps, avant qu'ils pouvaient même s'imaginer comment ça pourrait se passer. Et là, ça se passe exactement comme la prophétie le dit. C'est intéressant, juste une petite perle que, si je peux remettre la main dessus, là, que j'ai trouvée, là. C'est dans Psaume 118. Vous rappelez-vous, au verset 21, je vais juste vous le lire. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. C'est juste, quand Jésus va prier pour la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'il dit? Je, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Juste pour aller avec ce qu'on a parlé l'autre fois. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi? Parce que c'est ça que la prophétie dit, qu'il va dire. Et c'est ça qui se passe prophétiquement partout ici dans le texte. Est-ce que vous me suivez? Non, mais j'ai besoin de savoir ça. Parce que moi, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie. C'est quoi? C'est un rêve, une illusion, quelque chose que j'imaginais, ou bien si c'est vrai? Je veux savoir dans les Écritures si c'est vrai. Puis si je veux savoir si j'ai la vérité, je vais aller voir dans les Écritures, parce que si je trouve pas dans les Écritures ce qu'on est en train de, me dire, ben ça vaut rien. Je suis désolé, là, c'est peut-être intéressant là, mais moi je veux savoir dans les Écritures. Peut-être qu'on est bornés là, ceux qui aiment les Écritures, mais c'est la vérité. Tout le reste là, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça va? Deuxième point que je voulais faire, c'était au niveau dans Jean 12, verset 13. Ben, 12 et 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens, venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant. OK. Dans Luc 19. Je le lis, OK? Je vais lire les autres textes, OK? Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Tu sais, ici, ça, tout ce que ça dit, ils prirent des branches de palmier et allèrent devant lui en criant, etc., etc. Et, attends un peu, je cherche là. C'est ça. Ça s'arrête là. Mais, dans Luc, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses, comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Hey. Il savait-tu Jésus, là? C'est la même histoire, hein? Et ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Et là, ils vont dire les phrases. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Juste revenir à l'anon, dans un autre texte, dans Matthieu. Vous trouverez aussitôt, il les envoie deux, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, nanana, nanana, Et ils firent ce que Jésus avait dit. Là, il y avait une ânesse, puis un ânon. C'est important? Ben, ça dépend. Mais j'ai pas fouillé la réponse. Je veux juste vous dire, je lis un autre texte intéressant. Ben, on va aller dans Marc. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. C'est important? Je sais pas. Il faudrait que j'étudie Marc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si je veux m'enfarger dans les détails, là, on va prendre le temps, on va toutes les regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que les détails sont connus de Jésus avant qu'il y aille. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à l'ânesse ou l'âne? Coupe d'affaires. La première, c'est que c'est le roi qui rentre. OK? C'est le roi qui rentre. Est-ce qu'il rentre sur un beau cheval avec toute une armée qui le suit? Humblement. Lui, il est parfaitement humble. Il n'est pas assis sur l'ânesse en passant. Il est assis sur l'ânon. Que jamais personne a touché. C'est important, ça aussi. Il n'est pas souillé d'aucune façon. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? C'est intéressant, ça aussi. Il n'y a pas juste dans Jean, on parle. Ils prirent des branches de palmier. Ben, time out, là. Avant ça, là, ou en même temps, c'est que ceux qui ont amené l'ânon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs vêtements dessus l'ânon. Puis après ça, quand l'ânon avance avec Jésus dessus, d'autres, qu'est-ce qu'ils font? À terre, puis qui va marcher sur le vêtement? Jésus? L'ânon sur lequel Jésus est assis. L'ânon, là, qui est attaché à Jésus maintenant, Jésus rentre, là. L'ânon marche sur leur linge. Ça les dérange-tu? Ils le font volontairement. Ça, c'est le roi qui rentre à Jérusalem. Maintenant, il vous vient pas une image. C'est ça qui est le fun d'étudier les Écritures. Si on se rappelle ce qu'on a appris, il vient pas une image dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a déjà pris ses vêtements pour les déposer devant quelqu'un d'autre? Jonathan devant... Amen. Jonathan, quand il voit David, il est saisi de l'amour de Dieu, il la voit au travers de David. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, Jonathan, fils de Saül, héritier du trône, dépose ses vêtements en signe de... Ses vêtements, ses armes, tout en signe de soumission à David, qui est juste un petit coup. Ben, c'est loin de l'Éternel. Il est loin de l'Éternel. Jonathan le sait parce que le prophète Samuel l'a dit deux fois que Samuel n'était plus le roi de Dieu, celui qui était choisi de Dieu. Il y avait quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, il était loin. Jonathan, il ne sait pas c'est qui, mais quand Jonathan le voit, il est capable de le reconnaître et il va déposer ses vêtements. Qu'est-ce qu'ils font eux autres ici, là? Ils sont capables de le reconnaître, ils déposent leurs vêtements. C'est intéressant. Comment ils voient ça, les pharisiens, eux? Il n'y a pas grand monde là qui ont enlevé le vêtement devant eux. À quoi ils soupirent, eux autres, les pharisiens? La gloire des hommes. Et celui-là qui les compétitionne, il rentre sur le dos d'un ânon. OK? Quelle insulte. Vas-y. Aucune idée. Je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu des ânons ici? Oui. Écoute, Jésus envoie deux de ses disciples à quelque part. Ils n'ont aucune idée c'est où. OK? Ils vont là. Ils savent à peu près. Là. Ils vont là. Ils voient l'ânon, l'ânesse. Ce n'est pas à eux autres, là. Ils le prennent. Ça, c'est parce que si Jésus a dit quelque chose, je le fais. Il va peut-être m'arriver un malheur, là, mais je le fais. Ils le prennent. Et là, les personnes qui sont là, qu'est-ce que vous faites là? Ben, ils répondent. Ah, OK, go! Comment c'est qu'ils savaient, eux autres? Jésus est souverain. Dieu est souverain. Tout est fait pour que nous sachions que Jésus est véritablement le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Mais on est témoins, là. OK, ça va? Ça va pour ça? OK. Fait que là, on revient au texte. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses-là. David. Pardon? David n'avait pas de cheval. Mais non, mais c'est parce que David, c'est précurseur Oui, oui, oui. Oh, quand il rentre en ville. Ah, intéressant. Vous n'avez pas fait le pont. Merci, monsieur. Donc, David est rentré, lui, après avoir tué Goliath, sur le dos d'une mule. C'est ça? Ah! Merci. Bon. Non, mais c'est intéressant. On pourrait la regarder. Le point ici, c'est que il se passe quelque chose. C'est écrit dans les Écritures. Jésus dit d'avance qu'est-ce qui va se passer et les choses arrivent comme il le dit. Est-ce qu'il est celui qui dit qu'il est? Et lui le dit. On avait vu ça, je pense, dans Jean 4, je pense, ou 5, là. Où que Jésus prouve de quatre façons différentes qu'il est il est qui il dit. Il le prouve par les Écritures, il le prouve par les miracles, il le prouve par la parole de Dieu. J'ai oublié le quatrième point, là, mais il le prouve de quatre façons qu'il est celui que les Écritures disent. OK? Fait que si on a ça, ses disciples, quand ils voient ça, eux autres, là, ils sont observateurs. Est-ce qu'ils comprennent? Non. Mais est-ce qu'ils savent que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Ben oui, ils savent. Pourquoi ils savent? Hey, il était sur la mer, vous en rappelez-vous? La mer agitée. Jésus est venu en marchant sur les eaux. Puis là, il y a tout un échange entre Pierre et Jésus, puis les autres sont dans la barque, puis ils ont peur, ils sont fatigués. Puis quand Jésus entre dans la barque, quand il vient pour entrer dans la barque, pouf, tout est réglé, ils sont sur le bord de l'eau. Tout est réglé. Maître du temps, maître du monde, maître du vent, de la mer, de tout, tout, tout. Ils l'ont vu, là, quand ils sortent de la barque, là, ils se prosternent devant lui, ils ont vu qui il est. Quand Jésus va dire que pour marcher avec lui, là, pour être ses disciples, il faut manger sa chair, boire son sang, là, wow, là, ça passe pas. Il y a une méchante gang qui s'en vont. Il regarde ses disciples qui sont restés. Vous autres, que vous allez faire? Où est-ce qu'on peut aller? Tu as les paroles de vérité. Tu sais, on vient de déclarer que tu es le Fils de Dieu. On va aller où, là? Est-ce qu'on comprend tout? Non, mais on croit. Est-ce que ça va? Ici, est-ce qu'ils comprennent tout? Non, mais après, Dieu va leur montrer quelque chose. Il faudrait peut-être retenir une leçon ici, là. Chacun de nous, des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose, puis on a bien de la misère avec. Mais si c'est de Dieu, quoi le problème avec le faire? Fais-le, puis je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Fais-le pas, tu désobéis à Dieu. Est-ce que tu vas avoir la bénédiction de comprendre ce qu'il vient de te demander? Non, tu l'auras pas. Mais si tu veux la bénédiction de comprendre, fais ce qu'il dit. Même si tu comprends pas. Je suis pas en train de dire de faire des imbécilités puis de désobéir à la parole de Dieu. Quand c'est clair qu'il y a quelque chose que je dois faire ici, même si je le comprends pas, là, OK? Ben, fais-le. Tu vas en avoir la bénédiction. Eux, là, ils restent là. Ils sont des témoins oculaires de l'accomplissement de prophéties sur le Messie et ils ont cru après, à quoi, ben, ça vient confirmer après que Jésus est vraiment celui que Dieu a envoyé. C'est juste des preuves de plus. Verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre, eux sont des témoins oculaires de la résurrection de Lazare. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Hey, c'est lui, je l'ai vu, c'est ça qui s'est passé, j'étais là. OK? Est-ce que j'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est pas ça qu'il dit. Il fait juste dire, oui, je l'ai vu, le miracle, j'étais là. Est-ce que quelqu'un avec qui tu travailles, ton voisin, ta famille, proche, qui ne sont pas des enfants de Dieu, sont capables de dire, oui, je l'ai vu, c'est passé quelque chose dans sa vie, c'est plus la même personne qu'avant. Est-ce qu'ils sont capables de dire ça? Est-ce qu'il y a des témoins qui sont capables de me regarder puis de voir que je suis ressuscité? Même s'ils comprennent pas. Parce que ceux qui étaient témoins comprenaient pas la résurrection. Ce qu'ils comprenaient, c'est que Lazare était mort depuis 4 jours, puis il est ressuscité, puis ils veulent le voir. Est-ce que ça va? Ils sont des témoins oculaires de l'accomplissement d'un miracle, puis ils témoignent aux autres de ce qu'ils ont vu. En fait, comme on a vu dans Jean 4, la femme samaritaine, quand elle est touchée par Jésus, qu'est-ce qu'elle fait à part? Elle laisse son sceau là, elle s'en va le dire aux autres. Et la foule qui a ni vu rien, qui est pas nécessairement attachée à Jésus, la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Comment je le sais, moi? J'étais-tu là à la résurrection de Lazare? Comment je le sais? Je l'ai appris en lisant dans les Écritures. Est-ce que ça m'attire en lisant la parole ou en entendant quelqu'un me raconter l'histoire? Est-ce que ça m'attire à aller voir Jésus ou ça me laisse indifférent? Quand je parle à quelqu'un, de ce que Dieu a fait dans ma vie, est-ce que ça l'intéresse ou ça l'intéresse pas? Quand je lui parle de qu'est-ce que les Écritures disent, est-ce que ça l'intéresse ou ça l'intéresse pas? Ça va vous donner une petite idée de s'ils sont intéressés à Jésus ou pas. Ils viennent voir, ils veulent savoir, ils veulent une preuve. La preuve qu'ils vont avoir chacun, c'est de croire puis de voir. Les pharisiens, eux autres, se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Là, il faut se rappeler que dans les autres évangiles, Jésus s'en vient sur le dos d'un ânon. Les gens ont mis leur linge sur le dos de l'ânon, ils mettent leur linge à terre, puis ils mettent aussi, dans un autre passage, j'ai oublié de le lire, ils mettent des branches à terre, etc. Là. Il y a ceux qui ont pas de linge, ceux qui ont plus de linge ou pas quoi, là, ils mettent des branches à terre. C'est n'importe quoi, parce que c'est tout un signe de soumission à Jésus qui rentre. Là, les pharisiens, eux, qui veulent la gloire, qui veulent vus comme les premiers, ils sont plus vus comme les premiers. Hey, toute leur gloire, leur fausse gloire est mise en évidence devant l'humilité du roi qui rentre, là. Vas-y, Michel. Amen. Mais ce qui me frappe, c'est que, comme tu dis, Jésus, il savait toutes choses. Quand il envoie les disciples, entre-temps, il faut que tu prépares dans le cœur des disciples. Parce que tout à coup, ils sont saisis de joie quand Jésus est sur l'annon. Puis c'est quelque chose de non planifié par eux. C'est comme quelque chose qui se passe dans le cœur que le Père a fait, qui leur montre. En fait, dès que j'ai refusé d'accepter la vérité, toutes les portes sont fermées et je ne suis pas capable de saisir ce qui se passe devant moi et ça m'horripile. Et c'est ce qui arrive aux pharisiens. C'est exactement ça. Ils sont fermés. Pourtant, ils ont les Écritures dans les mains, mais ils sont fermés aux Écritures parce qu'ils rejettent celui que Dieu a envoyé. Fait que tout ce qui s'approche, tout ce qui touche Jésus, ils le rejettent. Donc, ils rejettent toutes les Écritures qui parlent de lui. Ils rejettent les faits qui sont devant eux. OK. Fait que, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Ben, je comprends, tout le monde est sorti, tout le monde est dans l'os, dans la joie, etc. Puis eux sont laissés comme à côté. Mais ils sont quand même des témoins oculaires de l'accomplissement d'un miracle messianique ici. Mais ils le rejettent parce qu'ils rejettent celui que Dieu a envoyé. Ça rentre pas dans leur plan de match à eux autres. Mais ce qui est intéressant, en même temps qu'ils le rejettent, ils font une prophétie comme le sacrificateur a fait. Parce qu'il dit, voici, le monde est allé après lui. Voici, le monde est allé après lui. C'est quoi les deux mots qui suivent? Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient parler à Jésus. C'est intéressant. Puis si on retourne à 11, 51-52. L'un d'eux, ben je vais lire 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Et qu'est-ce qui commence ici? C'est intéressant. Fait que c'est déjà dit avant que ça arrive. Alors, c'est quoi l'application pour chacun de nous? Avant, on était esclaves du péché, séparés de Dieu. Nous étions morts. Christ m'a ressuscité des morts. Je ne suis plus mort. Combien d'autres ici, là, levez pas la main, là, avaient vécu la résurrection? Nous sommes ressuscités. Qu'est-ce que je fais? Je garde cette nouvelle du salut en Jésus-Christ pour moi-même? Ou bien je le dis aux autres? Qu'est-ce que je fais? Je continue de regarder ma misère humaine? Ou bien, comme on vient de lire là, je déborde de joie, puis je dépose tout ce que j'ai aux pieds du Maître. Tout ce que j'ai, peu importe dans quel état. Parce que quand on regarde les vêtements qu'il mettait sur le dos de l'âne, là, puis qu'il mettait par terre, on n'a aucune idée là de quel état c'était. Ils ont mis ce qu'ils avaient sur le dos de l'âne, puis attend pour que le Seigneur le prenne. Est-ce que ça va? Fait qu'est-ce que je fais? Je garde ça pour moi, puis je continue à me morfondre, ou bien je déborde de joie, puis je donne tout. Je parle de lui, je parle de ce que j'ai vu, puis je parle de ce à quoi j'ai cru, de celui en qui j'ai cru. Qu'est-ce que je fais? Juste que tout le monde réalise ici, là, que comme les apôtres, comme les premiers disciples, on est tous des témoins, on est tous des témoins oculaires de la puissance résurrectrice de Dieu, de Jésus-Christ. Nous le sommes. Je le vis dans ma propre vie. Oh, peu importe ce que les autres en pensent en passant. Je le vis dans ma propre vie. J'aimerais ça que les autres le témoignent aussi. Ceux qui me connaissent depuis longtemps peuvent le dire. Si je retourne chez moi, là, ils ont vu la différence. Ils voient la différence avec avant. Est-ce qu'ils le veulent? Non. Mais ils voient la différence pareil. OK? Notre mandat, c'est de faire Matthieu 28. Maintenant que nous, on a vu, on a cru, on doit l'annoncer aux autres. Pour qu'eux autres aussi y croient, le voient, puis l'annoncent aux autres. Notre mandat, c'est de faire connaître aux hommes d'aujourd'hui, là où Dieu nous a placés, chacun de nous, la puissance résurrectrice de Jésus-Christ. Ce sera à eux de l'accepter ou de la rejeter. Mais notre job à nous, notre responsabilité, notre juste part, c'est de faire ça. On a été créé, juste pour la discussion qu'on a eue tantôt, là, ce qui m'a amené à l'esprit, là, c'est Éphésiens 1. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus. Et le peuple qui voyait Jésus rentrer, là, ils voyaient, eux, la promesse de Dieu. Il la comprenait-tu bien? Non, chacun à sa manière. Il y en a qui voyaient le Messie, le prophète, le roi physique. Peu importe. Ils voyaient l'accomplissement des promesses rentrer, puis ils étaient dans la joie. OK? On a été créés pour la gloire de Dieu. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va lui redonner la gloire pour ce qu'il a fait dans nos vies? Parce que s'il l'a pas fait dans ma vie, je dois aller le voir. S'il l'a fait dans ma vie, hey, on va-tu lui donner la gloire? Que Dieu vous bénisse cette semaine.